L'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a inséré dans son page d'internet les mémoires du président Kim Il-sung à travers le siècle, plus précisément 8, le retour triomphal du chapitre 24, la résistance générale contre le Japon, du tome 8, la révolution anti-japonaise suite de la première partie. Le site présente le portrait souriant de Kim Il-sung.